Radio Guémozo, je suis Lia, je suis avec toi pendant une heure dans cette nouvelle édition de Micro Ouvert. Nous sommes ensemble en direct, il est midi une précisément. Comment vas-tu en cette fin de semaine? Bon, le temps est un peu grisonnant, mais voilà, la chaleur dans le cœur est bien là. Pour moi, c'est vraiment le top puisque je suis avec toi. Mais que va-t-il se passer durant cette émission? Eh bien, je vais te sortir mes disques, hein, bien forcément. Et tu entendras aussi Alban et son projet Je m'accroche à toi, un album de 8 titres avec la collaboration de 8 chanteuses du coin. Il met en place une cagnotte sur Ulule et les dons serviront à financer l'enregistrement de l'album. Les bénéfices sur la vente de l'album seront entièrement reversés aux associations Les Restos du Cœur et la Fondation Abbé Pierre. Belle initiative, il nous en dira plus tout à l'heure. On retrouvera aussi Christophe du groupe Solidaire et Citoyen de Remiremont qui a plein de choses à nous dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour te passer l'info auditeur. Christophe fait dépôt de calendrier des pompiers. C'est au 10 rue de la Cotolle à Saint-Étienne. Donc si tu veux ton traditionnel calendrier des pompiers, eh bien tu peux passer par lui. On parle solidarité. Alors, si tu te souviens peut-être de l'info que je t'avais passée la semaine dernière, je crois, il s'agit de l'action des boîtes de Noël pour les démunis. C'est un projet qui se développe depuis quelques temps à Remiremont dans les Vosges, dans toute la France et même au-delà. Une action solidaire à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors, le concept est très simple. Il s'agit d'une collecte et une distribution de boîtes de cadeaux au profit des plus démunis de notre département. Pour confectionner une boîte de Noël, eh bien, il te suffit de te procurer une boîte en carton au format boîte à chaussures pas plus grand afin qu'il y ait le moins de différence possible entre les boîtes, nous expliquent les organisateurs. Dans cette boîte, tu disposes un truc chaud, par exemple bonnet, écharpe, gants, chaussettes. T'ajoutes un truc bon, un produit sec, type biscuit, bonbon, tablette de chocolat. Tu déposes également un loisir, alors un livre, un petit carnet de jeux, de mots croisés, un jeu de cartes, etc. Fais preuve d'imagination. T'ajoutes un produit de beauté ou d'hygiène, une crème hydratante, savon, déo. Et enfin, tu laisses un petit mot doux, une petite carte, un petit mot, un dessin d'enfant, etc. Bah ouais, ça réchauffe les cœurs, ça. Ensuite, eh bien, tu fermes ta boîte. Tu n'oublies pas d'indiquer sur celle-ci si elle est destinée à un homme ou à une femme. Et il ne te reste plus qu'à déposer ta boîte jusqu'au 10 décembre inclus. Alors, à Remiremont, tu peux apporter ta boîte de Noël au magasin Biomonde situé au 27 rue de la Filature au cœur de l'écoquartier. Un second point de collecte Romarie-Montin se situe à la permanence parlementaire au 78 boulevard Thiers. Et puis tu peux aussi les déposer au Val d'Ajol, au Girmont, au Thiot, à Saint-Amé, à Épinal, à Golbey, dans de nombreux autres points de collecte à travers le département. Alors la liste de ces points de collecte, tu peux les retrouver entre autres dans la publication que j'ai faite sur nos pages Facebook hier. Toutes les boîtes de Noël récoltées seront redistribuées à des associations et au SAMU social qui s'occupera de redistribuer aux gens dans la précarité, aux sans-abri, aux autres oubliés, si on peut dire comme ça. En tout cas, on les embrasse bien fort et j'espère que vous vous mobiliserez pour cette super action. Voilà, allez, c'est le moment où je te sors mon disque chouchou de ces derniers jours, hein. Le titre remixé Diamonds de Yakato, gros kiff. your life. Voilà pour ce titre. J'espère que tu as bien kiffé. J'espère que tu es bien installé à l'écoute de Radio Guémozo. Moi, je trouve qu'il met tellement la good vibes, ce son, c'est incroyable. Allez, on fait un premier tour sur l'actu locale. Est-ce que tu es partant? Bon, je sais pas si tu as vraiment le choix. La ferme aux hirondelles de Thiéfos propose pour ses 3 ans un marché qui aura lieu les 5, 12, 19, 23 et 30 décembre. Donc, il commence dès ce dimanche. Dès demain, c'est les samedis du coup, le 5 décembre c'est demain, donc dès demain pour ces 3 ans, ce petit marché devient grand. Ça se passe les matins, donc dès demain de 8h30 à 12h30 dans l'atelier de la ferme aux hirondelles à Thiéfos. Alors il y aura plein de producteurs, plein d'artisans créateurs, dont d'ailleurs les yeux grands ouverts, qui est Camille, qui est bénévole ici, qui nous propose avec ses acolytes une émission nommée Les Oreilles du Monde. Alors côté producteur, il y aura la ferme de Malgève par exemple, la chèvrerie de Petgoutte, la boulange du Gab, vin Vorgurger, oh là, j'espère que je prononce bien tous ces noms, surtout la ferme du Lejol, Cookies and Co, la miellerie du Mété, etc. Pour les artisans, Joël Coucheron, Fond de Vallée, Chris Création, Tresse le Rêve, Julien Michel, Atelier de la Tournerie, entre autres. Ce projet, il est soutenu aussi par l'association Agriculture, c'est important de le dire. Un petit tour créatif maintenant, la médiathèque intercommunale des Hauts-de-Vosges organise pour cette fin d'année un concours de dessin Mon Noël de rêve et tu peux participer jusqu'au 16 janvier. Alors voilà, il y a 3 catégories. Adultes, enfants de 11 ans et moins et classe d'école. Sur une feuille A4, tu peux exprimer tes plus grands souhaits pour Noël. Toutes les techniques de dessin sont acceptées. Tu trouveras les explications, le bulletin d'inscription et le règlement sur le post de notre page Facebook. T'as vu, on est bien organisé quand même. De nombreux lots sont à gagner. Créatif un jour, créatif toujours. Et puisque l'on a tous nos moyens d'expression préférés, cette fois, c'est la langue de travers qui te propose de la retrouver le samedi 12 décembre de 16h30 à 18h30 pour un atelier en visioconférence qui te téléportera vers le nouvel an 3000. Ah ouais, quand même. Je sais pas vraiment si j'ai envie de voir ça, moi, perso. Un lien Zoom sera envoyé 1 ou 2 jours avant aux personnes préalablement inscrites en contactant Karine sur, accroche-toi, kgavoi2le@gmail.com. Si tu as besoin de précisions, n'hésite pas à nous envoyer un MP. Je te fais une petite aparté, alors je sais pas trop si ça se dit, mais si c'est possible non plus, mais c'est pas grave. Une info qui m'a tellement fait plaisir, j'avais envie de partager avec toi. Nance, Moots et Kim lancent leur magazine Vivant. Alors je ne sais pas qui est Kim, mais en tout cas Nance et Moots, qui sont-ils? Ce sont deux gars qui partaient avec un objectif un peu fou dans une émission qui s'appelait Nu et culotté. Une fois, ils ont quand même fait de l'avion stop pour aller admirer une aurore boréale. Le truc de dingue, c'est que ces deux gars partaient complètement nus et qu'ils s'appuyaient sur la solidarité des gens qu'ils allaient rencontrer pour trouver des vêtements, à manger, pour dormir au chaud par exemple, car ils partaient vraiment sans rien du tout à part 3 caméras. En contrepartie, ils donnaient des coups de main, ils faisaient des petites choses en origami, c'était vraiment tout mignon. Vraiment une émission avec une good vibes là. Et ils lancent donc un magazine qui va se nommer Vivant. Alors je cite, un mag qui regarde le monde par les yeux du vagabond dans les interstices. Rien que ça, moi perso, ça me donne envie. Après des années passées ensemble sur le chemin de rencontres et sur les sentiers sauvages, le trio unit tous ses savoirs, toutes ses aspirations dans un projet tout neuf, un magazine papier reliant et ressourçant, un mag qui dresse des ponts entre vie sauvage, vie vagabonde et vie sédentaire pour faire tribu avec tout le vivant, un mag qui tisse des liens entre les êtres et nous embarque dans son aventure, défi à relever, appel à témoigner, idée à insuffler. Waouh, quand même, quoi, les gars. Et du coup, c'est le moment pour moi de te passer un disque pour t'inviter au voyage. Je pense que c'est le bon moment, là. Le groupe Cantic and His Combo Barbaro et son titre Un Canto a mi tierra. T'as vu, je m'en sors beaucoup mieux quand même en espagnol qu'en anglais, alors que j'ai jamais étudié cette langue. Il y a des trucs que je comprends pas. Juste après, on retrouvera Alban et son projet musical solidaire. Allez, viens, on va danser. Hey. donne tellement envie de se déhancher ce son. J'espère que tu as dansé dans ta cuisine. J'aimerais tellement voir ça. Partage avec nous, auditeurs, sois pas sauvage. Allez, c'est le moment où on accueille Alban et son projet musical solidaire. Bonjour Alban. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ouais. Merci de m'avoir invité sur Radio Guimodo. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était bien. ta première. Oui. C'est génial ça. Première radio, voilà. Faut toujours une première fois à tout, on dit. Je t'appelle où, Alban? Tu viens d'où? Tu habites où? Je suis spinalien, je suis d'Épinal, donc, ouais. Ok, donc on est en direct à Épinal, là. On parle aujourd'hui avec toi de ton projet musical solidaire qui s'appelle Je m'accroche à toi, c'est bien ça? Oui. Voilà, c'est ça. Dis-nous en plus. Alors, le projet, ça consiste à enregistrer un CD 8 chansons, écrites et composées par moi-même. Ok. Et interprétées par 8 artistes, qui sont pour la plupart vosgiennes. Ok. 8 chanteuses, et ça sera au studio Airplay à Armiremont. Oh, génial. Donc, j'ai mis en place une cagnotte sur Ulule, et l'argent collecté financera l'enregistrement du CD, et les bénéfices sur la vente de ces CD seront entièrement reversés aux associations Les Restos du Cœur et la Fondation Abbé Pierre. Génial. Voilà, donc il faut un don 20 euros minimum est requis pour obtenir le CD. Ok. Mais même si vous donnez 1 euro, 5 euros, 10 euros, c'est important parce que ça fera décoller la cagnotte, quoi. Oui. Et ça me permettra d'atteindre mon objectif. Ceux qui m'écoutent, allez-y, c'est pour la bonne cause. Carrément. Et jusqu'à quand on peut faire un don sur cette cagnotte? Alors, là, il reste 34 jours. 34 jours, faudra, il me semble. Ok, 34 jours. On va se tenir informés sur tout ça. Alors, comment ça t'est venu, cette idée? Alors, comment ça m'est venu, cette idée? Ça faisait longtemps que je voulais faire des actions pour les plus démunis. Ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. J'ai eu plein de projets comme ça, mais ça a jamais vraiment abouti. Et donc, je suis assez fier aujourd'hui de pouvoir mettre ça en place. Et puis, c'est un peu le fruit de 2-3 ans de boulot. Enfin, fait longtemps que j'écris et je compose des chansons, et je me dis que voilà, c'est plutôt, je suis content de faire partager ça et de pouvoir faire en sorte que l'argent aille notamment pour les plus démunis. Voilà. Ouais, super. Tu es très sensible, du coup, j'imagine, à toutes ces causes. Et puis là, en plus, en ce moment, c'est vrai qu'on pense beaucoup à eux, à ces gens pour qui ça peut être difficile parce qu'on approche des fêtes. La personne qui est en train d'appeler le standard de Radio Guimauzo est priée de raccrocher car il nous donne quelques interférences. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que là, c'est le bon moment pour faire une action solidaire, et c'est une super idée. Alors, de quoi elle parle, ces compos? De quoi ça va parler, ces chansons? Principalement, ça parle d'amour. Alors, c'est un peu cliché de dire les chansons d'amour, mais voilà, ça parle plutôt d'amour. Il y a une seule chanson qui est un peu plus engagée que les autres. Ok. Mais sinon, tout le reste, ça parle de... Parfois, il y a une chanson sur l'enfance, et puis le reste, ça parle plutôt d'amour. Voilà, c'est un beau sujet. Voilà, les textes sont c'est un beau sujet. Et puis les textes sont plutôt, c'est plutôt sympa. Depuis quand tu écris, tu composes? Alors depuis quand? Ça fait 5 ans que je m'y suis mis vraiment. Ouais. Et à la base, moi, je fais du rap, du slam. Ah, génial. Rap slam. Et puis donc, c'est un peu par hasard. Pour la petite histoire, j'ai enregistré mon premier EP de rap slam. Oui. J'avais fait toute la musique et les textes, et c'est un beatmaker appelé Armiremont, Dorian, qui m'a conseillé de creuser, de persévérer dans la chanson, parce que j'avais fait écouter un titre où je chantais. Ouais. Et donc ça m'a motivé pour continuer à écrire, et puis à écrire des chansons, à essayer de mettre en musique des textes. Super. Donc voilà. Est-ce que tu poses quelques mots sur cet album? C'est pas prévu, non. C'est juste a priori, il y a que les chanteuses qui vont faire quelque chose. Comment tu as choisi les personnes qui vont chanter au sein de cet album? Alors, comment j'ai choisi? C'est des gens que je connais, en fait, du coin des Vosges, des Vosgiennes. Ouais. Pour la plupart, il y a une ancienne. Ok. Et c'est des gens que je connais parce que je les ai croisés dans des buffs musicaux ou dans les bars. Il y en a une que je connais par le théâtre, parce que je fais du théâtre aussi. J'ai chanté très bien, donc je vais proposer. Et puis dans les buffs musicaux. Et puis il y en a une, c'est dans un festival que j'ai entendu chanter. Ok. Voilà, donc c'est un peu comme ça. C'est des gens que je connais. Bon, on se connaît un peu tous entre musiciens et artistes. Voilà. Bien sûr, ça c'est sûr, c'est une grande famille, la famille de la musique. Un peu ça. Elles ont tout de suite accepté de partager avec toi sur ce projet. Oui, bien sûr. Ouais, elles ont tout de suite été, j'allais dire enthousiasmées par le projet. Enfin, ouais, c'était contente de participer. Oui. Ok. 8 chanteuses, 8 titres. Donc toi, tu as composé tous ces titres. Est-ce que parfois elles ont voulu participer à l'écriture ou vraiment tu leur as donné la chanson écrite Non, je leur ai donné la chanson comme ça, c'est que je les avais écrites. Oui. Mais moi, ça m'arrive de travailler avec certaines, donc dont Laetitia Cupillard. Bisous, mademoiselle Laetitia. Oui, mademoiselle Laetitia. Qui fait des chansons et puis ça m'arrive de un peu travailler avec elle enfin sur ses chansons je l'aide entre guillemets à mettre en musique enfin je donne pas dire des conseils ou enfin vous collaborez enfin je suis là on collabore ensemble voilà. OK. Alors ce projet il s'appelle Je m'accroche à toi. Pourquoi tu as choisi ce nom pour ce projet? C'est le titre de la première chanson. OK. Et puis je me disais c'était un beau on va dire un beau titre par rapport à la cause que je défends. Donc voilà, c'est voilà. Ok, super. Projet musical solidaire, ce nommant Je m'accroche à toi, auditeur, tu retrouves cette cagnotte directement sur Ulule. Est-ce que tu as créé une page Facebook, un site internet pour ce projet où on peut retrouver le lien? Pas une page Facebook. Enfin, moi, il y a ma page Facebook, Alban Toussaint, on peut retrouver. Mais sinon, il suffit d'aller sur Ulule et de rechercher Je m'accroche à toi, de taper Je m'accroche à toi, et ça permet d'accéder à la page Ulule quoi, directement du projet. Voilà. Voilà, pas plus simple. Voilà. Merci beaucoup Alban, j'espère que tu nous tiendras informés de la suite, et une fois que ça sera enregistré, on veut écouter ça forcément. Oui. Merci beaucoup, plein de bonnes choses, on te soutient dans ce beau projet et puis voilà, on se tient informé. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi et plein de bonnes choses à toi et à ton équipe. Voilà, auditeur, pour ce projet musical, j'espère que tu participeras. Vraiment, c'est une bonne action encore une fois. Là, on se lance dans les bonnes actions là en ce moment. En plus, je trouve que c'est le bon moment. Après, il n'y a pas de période pour faire des BA. Faut pas se limiter aux périodes de Noël. Mais c'est vrai que là, on a une grosse pensée pour toutes les personnes pour qui c'est un petit peu plus difficile. Allez, on continue. Je vais te mettre un disque, celui de Cassius. Vraiment que j'adore pour le titre I Love You So, et on se retrouve juste après. ce titre de Cassius. J'espère que tu passes un bon moment, auditeur. Moi, je suis super contente, bien encore une fois, d'être avec toi. Je t'imagine tellement chaud sous ton plaid tout pilou là. Voilà, j'espère que t'es bien installé au coin du feu. Je ne sais pas. Voilà, j'avais envie un petit peu de. Voilà, je t'ai inspiré là. Avant de retrouver Christophe, je te fais un nouveau petit point actu. Les archives municipales sont heureuses de pouvoir à nouveau t'accueillir en salle de lecture à l'instar des bibliothèques. Ça se passe le mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30 avec toujours une archiviste aux petits soins pour vous. Les archives municipales de Remiremont, je précise. C'est avec grand plaisir que la Souris Verte nous annonce la réouverture de ses studios d'Épinal et de Cap Avenir Vosges du mercredi 16 au samedi 19 décembre. Tu peux dès à présent réserver via la plateforme Quick Studio, pour les musiciens amateurs. Le festival là-haut sur la colline quitte Sion pour Épinal, la grosse exclue quand même. On a toujours connu ça à Sion. La date, elle est déjà fixée. Ça se passera du 23 au 26 décembre 2021. Le festival qui a réuni de grands artistes sur la colline de Sion déménage sur le site du château d'Épinal, où il conservera le même déroulé, conférences, ateliers, concerts. Le festival là-haut sur la colline avait accueilli Grand Corps Malade en 2019 à Sion, mais d'autres vraiment grands noms. Je me rappelle de Kenny Arcana, Kerry James. Vraiment, il y avait beaucoup d'artistes. Ça fait un moment que ça existe en plus. Des pistes là sont déjà engagées avec plusieurs artistes justement pour que l'édition 2021, la première à Épinal, soit mémorable. On se note ça, hein. Il n'y a pas de souci. Ça se passera donc du 23 au 26 septembre 2021. On croise les doigts pour que cette crise sanitaire soit enfin derrière nous. Avant d'appeler Christophe du groupe Solidaires et Citoyens, c'est le moment de chill. Je t'en passe au moins un par émission, un son qui fait du bien. Alors le titre est un petit peu décalé, mais je t'assure, tu vas voir, une fois que je t'aurai passé ce son, tu seras tout détendu. Il s'agit de Dragon Ball Durag de Sander Kate. On écoute ça tout de suite et puis on se retrouve juste après. Alors, il était pas de child ce son. Oh, perso, vraiment, j'adore. Ça me met encore une fois dans la bonne vibes. J'espère que toi aussi, t'es dans la bonne vibes. Il est temps d'accueillir au téléphone Christophe du groupe Solidaire et Citoyen de Remiremont. Bonjour Christophe, comment tu vas? Bon, ben, bien, et toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Et j'en profite tout de suite, eh bien, pour te remercier pour les masques, les languettes et le gel hydroalcoolique que tu nous as ramené directement à la radio. Merci beaucoup pour ça. Ben, de rien. Alors, t'avais plein de choses à nous dire aujourd'hui. Il y a plein de rebondissements, il y a des choses qui se passent. On t'écoute. Donc, oui, il y a eu quand même beaucoup de nouveaux depuis que de la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, entre-temps, il y a eu l'incendie. Eh oui. Et donc, il y a eu l'incendie à Saint-Étienne et à Remiremont. Donc, dès le jour même de l'incendie, on a pris des contacts avec les sinistrés. Oui. Donc, pour ce qui est des jeunes, la mairie s'en est occupée, leur avait trouvé un logement. Oui. Donc, un gîte. Donc, voilà. Donc, nous, à partir de là, on s'est pu occuper d'eux. D'accord. Et donc, on s'occupe maintenant de Angèle et le couple avec deux adultes et la personne qui travaille en déplacement. Oui. Mais qui avait besoin d'un pied-à-terre. Donc, pour ces deux personnes-là, nous leur a trouvé deux meublés par Century 21. Oui. Qui nous a dit tout de suite oui. Et donc, il a mis en place trois meublés. Donc, c'est... parce que la famille, ils étaient quatre, et donc il fallait deux petits meublés, et un troisième pour Pascal. D'accord. Donc, qui a dit oui tout de suite. Donc, Pascal a pris le meublé pour l'instant, et a demandé à Century de lui trouver un appart. Mais il est pas dehors. Ouf. Et pour Angèle, qui a le meublé, pour l'instant, elle vit chez sa maman. Oui. Et nous, elle cherche toujours un appartement, mais elle n'est pas dehors. Ok. Voilà. Donc nous, suite à ça, on a déjà, pour un premier temps, déjà trouvé un toit pour tout le monde. Oui. Donc ça, c'est la première chose. La mairie, de son côté, a trouvé pour une famille, et nous, on appellerait. Okay. Et donc, je dis pourquoi je parle de la mairie comme ça, parce que dans les nouvelles que je vais annoncer, il y a des chambres aussi dans l'association. D'accord. Alors, et maintenant, on a récupéré, on a fait en sorte de récupérer par un appel de solidarité et de dons. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on a quasiment tout en stock pour équiper la famille qui a brûlé. Ouais, bah, dis donc. Que ça soit sèche-linge, cuisinière, armoire, table, fauteuil, micro-ondes, cafetière, tout. Ouais. On a tout pour, on est prêt, le jour où elle trouve son appart, à lui mettre à disposition tout l'équipement pour qu'elle puisse, dans un premier temps, revivre normalement. Super. Bravo. Donc, en sachant que, bien sûr, cette opération du groupe Solidaire Citoyen, c'est une opération de prêt. C'est-à-dire, c'est pour aider les gens à bien redémarrer sans penser à faire des frais tout de suite. Oui. Donc, dès qu'ils pourront, ben, ils se rachèteront des meubles, ou s'ils disent, ben, tiens, ça me plaît, je veux le garder, ils le garderont. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Okay. Mais l'idée, c'est de leur prêter ce qu'il faut pour revivre normalement, dans un premier temps, et après, s'ils trouvent des meubles à leur goût, ben, ils le gardent. Oui. Ils s'en foutent. Voilà. Ok. Super. Donc, pour ce qui est de la famille, qui a tout perdu, on a ce qu'il faut pour les équiper. Donc, on a tout en stock dans des locaux. Okay. Alors, pour ce qui est des locaux, on a trouvé dans l'urgence Salle Notre-Dame, c'est la... Comment ça s'appelle l'association, là? Oula. La Stéphanoise. Ouais. Donc, la Stéphanoise nous a mis à disposition un local. D'accord. Dans l'urgence. Suite à ça, j'ai téléphoné à la mairie. Et la mairie m'a dit qu'ils allaient se renseigner, se rencarder pour les locaux. Donc, ils m'ont trouvé un local. Super. La municipalité de Saint-Étienne m'a trouvé un local. Ah ben, super. Donc, ils me mettent à disposition pour une année on a un contrat 6 mois renouvelable, 6 mois, 1 an. Ok. Pourquoi 1 an? Parce que les bâtiments-là sont appelés à devenir autre chose. D'accord. Donc, hier, j'ai rencontré le maire de Saint-Étienne, Michel Devant. Eh oui, que l'on salue. Et donc, on a décidé ensemble de travailler en collaboration avec la mairie de Saint-Étienne et le groupe Solidaire Citoyen. D'accord. Pourquoi je dis ça? C'est simple, on a décidé, on s'est parlé franchement, et on a mis de côté nos petits soucis perso entre les deux personnes, moi et lui, voilà. Et on a dit, on repart à zéro. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit moi ou lui, le plus important, c'est pas notre cas personnel, c'est le cas des gens. Bah, ça c'est sûr. Donc, on met tout de côté, pour toujours, on n'en parle plus jamais, on a dit ce qu'on avait à se dire, et aujourd'hui, on travaille et on collabore avec la mairie de Saint-Étienne. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon association d'Armiremont ne va plus être Armiremont. Ok. On est en train de changer le siège social, et le siège social sera à Saint-Étienne. Ok. Tu fais bien de nous le dire. Donc, comment? Tu fais bien de nous le dire. Voilà. Donc, on redevient une association stéphanoise. Ok. Qui me va très bien, parce que j'ai 54 ans et je suis stéphanois depuis 54 ans. Eh ben oui. Donc, voilà. C'est donc, bien. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va arrêter de faire ailleurs. Oui. Parce que le but ultime de l'association, c'est de faire partie intégrante de la Comcom. Ok. Donc, on veut intégrer la Comcom pour être justement, n'est plus avoir de problème de discorde de clocher. Mmh. Donc, on veut intervenir exactement dans les villes qui font partie de la Comcom. Et ben voilà. Parce qu'aujourd'hui, on intervient déjà à Éloi, à Saint-Amé, à Remiremont, à Saint-Étienne, à Decoux, à Dommartin, dans la Comcom. On le fait déjà aujourd'hui. Oui. Donc, on a déjà donné des surblouses ou des tabliers à Éloi. On a intervenu mais jusqu'à la Bresse, on a fait une association, un truc d'handicapé à Gérardmer, voilà. Donc nous on n'est pas, on a une association à Saint-Étienne, mais on veut travailler avec les CCAS de la Comcom. Eh ben dis donc. Donc voilà. Oui, j'ai du pain sur la planche. Oui. Mais on a du pain sur la planche. Mais nous, ça peut pas être possible parce que les CCAS. Ils ne peuvent pas être au courant de tout, c'est pas possible. Mm. Comme moi, je ne peux pas être au courant de tout, c'est pas possible non plus. Donc, aujourd'hui, on doit être complémentaire avec les CCAS. Mais tout à fait. Donc, on n'a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il y a de la misère, je comprends, hein, les CCAS, ils peuvent pas être au courant de tout. C'est comme sûr. Nous, on peut pas être au courant de tout. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut être que complémentaire. Voilà, c'est bien. Donc, là, on va faire, dans les... Ce qu'on va faire assez rapidement, on peut l'annoncer, nous allons faire le Noël de la maison de retraite à Lomfleury. D'accord. Le 15, le 12 à 15 heures. D'accord. Donc, on organise, c'est déjà dans les tuyaux, donc ouais. C'est officiel, donc on peut l'annoncer, on fera le Noël à la maison à Lomfleury. Okay. Le groupe Solidaire Citoyen organise le Noël à la maison de retraite de Saint-Étienne. Oh, c'est chouette. Voilà. C'est chouette. Qu'est-ce que vous allez faire durant... Alors, on fait venir un Père Noël et on va offrir des petites brioches Saint-Nicolas, le machin, aux anciens. Oui. Et on va faire des chocolats et tout pour le personnel. Ah, bah ça, c'est chouette. Ça va leur faire plaisir. Donc ça leur fera... On a vu avec Monsieur Labidi, le directeur, et on va faire en sorte qu'ils aient une animation aussi de leur côté, ils vont faire un petit truc. Et nous, on viendra avec le Père Noël. Ok. Waouh, c'est génial. Ouais. Que de bonnes idées, dis donc, dans ce groupe. Voilà. Deuxième chose qu'on va faire, j'ai eu au téléphone hier soir, mais j'ai pas mon carnet. Ah. Alors, je dois être par là. Attendez, le carnet. Vas-y. J'invite nos auditeurs en attendant d'aller... Donc, nous allons... Ah bah. On va intervenir avec une association qui est basée sur... dans les environs, sur des enfants handicapés. Ok. Donc, on va faire... Ils ont une salle, mais ils ne savaient pas trop comment faire. Ils n'ont pas trop de moyens. Donc, on va fournir le... On va leur faire, avec le Père Noël, on va leur faire un Noël. Ouais, c'est chouette. Pour des enfants handicapés aussi. Super. Donc, qui dépendent d'Armiremont, qui ont leur structure à Armiremont, mais c'est des familles où qui ont beaucoup de... qui ont leurs enfants à la maison. Oui. Donc, ils vont... je l'ai eu hier soir au téléphone, parce que j'avais fait un appel sur Facebook pour me mettre en lien avec une association, parce que je voulais pas venir en doublon. Oui. Et donc, elle m'a téléphoné hier soir, Et elle me dit, bah oui, mais si vous en avez d'autres, je dis non, vous êtes la première à avoir m'appeler, donc c'est avec vous qu'on le fera. Oui, donc je vous pouvais déjà dire que c'est bon, on fera chez vous. Ok. Donc on va faire un Noël aussi avec une association, les amis d'Élise ou un truc comme ça. D'accord. Mais c'est une gamine qui est polie, je sais plus quoi, bref. Polyhandicapée, oui. Bref, polyhandicapée. Et donc on va faire le Noël avec cette association là aussi. Super. C'est toi un petit peu le Père Noël, non, Christophe? Comment? C'est toi le Père Noël un petit peu, non? Non, c'est pas moi, parce que encore une fois, c'est toute l'équipe que j'ai autour de moi. Oui. Moi ce matin, j'ai fait du président. Mais j'avais une équipe qui ont pris une camionnette, alors je tiens à remercier aussi Agassi, qui nous prête un véhicule le week-end. Et oui. Pour faire du déménagement, pour aller chercher du matériel. Oui. Donc ce matin, ils sont allés à Éloi. Quand je dis que on n'est pas quand on est dans la com-com, on a une personne d'Éloi qui nous a fait un don extraordinaire de plein de choses. Vaisselle, habit, plein de choses. Super. La ville de Saint-Étienne, par exemple, nous donne, parce qu'ils ont un appartement de fonction où la personne est décédée. Oui. Et ils nous donnent tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Ouais, super. Cuisinière, lit, frigo, tout. Ils nous donnent tout. Donc je suis allé le visiter hier, et tout ce qui est de meubles dedans, c'est pour nous. Ouais. Vive la solidarité. Donc il y a deux frigos, un micro-ondes, un aspirateur, il y a tout. Okay. Donc la mairie nous le donne. Eh ben, on remercie donc, la mairie. Donc c'est un vrai partenariat. Oui, oui, je vois ça. C'est super. Si jamais donc il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait par rapport à avant. C'est qu'avant on faisait que dans du Covid. Oui. Et aujourd'hui on fait beaucoup plus loin. On va auprès des gens qui sont dans la merde. Oui. Voilà, pour parler comme je parle normalement. Mais oui. Voilà. Un vrai but solidaire. Par exemple, aujourd'hui, on a un bénévole qui a emmené deux personnes handicapées chez le docteur. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion. Et qu'ils n'ont pas un rond pour se payer un taxi. Ben oui. Donc, on a été les chercher chez eux et on va les ramener chez eux. Okay. Et dans 15 jours, on va rechercher une famille avec sa maman qui est handicapée et sa fille, la fille a un problème avec un handicap aussi. Donc on va les amener, chez eux, là, ceux-là sont de premier monde, ceux que je viens de parler, Saint-Étienne, ceux de premier monde, on va aller les chercher et les ramener chez eux. Super. La semaine dernière, on est allé chez eux, parce qu'il faut savoir quand même qu'on vit dans un pays merveilleux. Ces gens-là, la dame, elle a les jambes coupées, une jambe coupée, oui. Et la fille a un handicap. Mais ils sont pas dans la catégorie, ils sont pas assez malades, ils ont pas la bonne maladie. Oh. Donc ils doivent acheter leur masque. Oh. Parce que, d'accord. Voilà. Parce qu'ils auraient dû, ils ont pas de bol, ils ont pas d'asthme. Okay. Il aurait fallu qu'en plus de ce qu'ils ont, ils aient de l'asthme. Oui. Voilà. Bon. Donc, ce que nous, on a fait, le groupe solidaire, on est monté les voir, et on leur a amené 3 boîtes de masques et de la solution hydroalcoolique. On leur a donné. Ben oui. Voilà. Et on s'est proposé pour les véhiculer, pour qu'ils sortent un peu de leur galère, là. Ben pour oui. Pour qu'ils puissent déjà, mais en plus, c'est du béaba, parce que, faut savoir quand même, Cormier-Mont, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et j'ai aucune nouvelle de la ville d'Ernemont. Ah. Aucune. Bon. Ils peuvent pas dire que ils savent pas ce que je fais. Facebook, le journal, la radio, ils peuvent pas ignorer que j'existe. Oui. C'est impossible. Donc, je n'ai aucune nouvelle d'Ernemont. Alors, en plus de ça, ils ont supprimé la navette. Ah. Oui, donc ça. Au Rumont. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens au Rumont, les anciens, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont enfermés chez eux. Oui, je comprends, oui. Donc ça, nous, on va pallier à ce manque de navettes. Oui. C'est-à-dire que on travaille en collaboration avec une association, le centre social de Remiremont, qui a, eux, qui font un vrai travail de terrain sur le Rumont ou à Remiremont. Et donc, on est en contact avec eux, et dès qu'il y a un problème, ils nous contactent, et nous, on met en place, on lui donne les moyens. Ok. Donc voilà, oui. Et ça va des cours, ça va d'aller chez le docteur, ça va tout ça. Oui, oui. Donc nous, on a un réseau, on a un potentiel de bénévoles qui fait que on est déjà sur une dizaine de bénévoles qui sont prêts à se mettre à disposition des gens là, eh ben, dis donc. Pour les véhiculer. Bravo à eux. Si jamais on a envie, nous aussi, d'être bénévoles dans ton association pour aider les gens, on fait comment? Eh ben, il suffirait que vous appuyiez le président. Oui. Que vous lui donniez vos coordonnées. donner et vos créneaux et qu'on ait une discussion sur quoi vous voulez faire. D'accord. Voilà. Ok. On l'appelle où, là, ce président? Là, ce matin, on a eu un coup de téléphone d'une dame qui est de la Genois et qui fait de la couture. Donc, la semaine prochaine, elle va venir. La couturière, pas ma femme. La couturière bénévole qui fait des blouses. Non, parce que ma femme, elle coupe haut. mais elle fait autre chose. Hein. Elle me supporte. Elle a 3 mois. Et crois-moi que ça vaudrait mieux qu'elle fait. Pour elle, elle préférerait savoir où. Hein. Et donc, je disais, on a une dame là qui fait de la couture, qui s'est proposée pour coudre des surblouses. Oui. Donc la semaine prochaine, on a une couturière bénévole qui va venir chez elle, qui va aller chez elle, on lui prête la surjoiteuse, tout, et elle va faire de la couture pour nous. Ah bah super. Voilà. T'as un numéro à nous donner ou alors on passe directement sur la page Facebook Groupe Solidaire et Citoyen? Non, je vais vous donner le numéro qu'il faut appeler pour du bénévolat. C'est le 06 oui. 23 31 59 12. Eh ben voilà, super. Merci beaucoup. De rien. C'est moi qui vous remercie parce que c'est bien de vous intéresser à ce qu'on fait. Bon, oui. Parce que vous êtes la seule radio, je le dis, vous êtes la seule radio qui nous appelle. On a eu une autre radio qui nous a appelé une paire de temps, mais sinon, que dalle. Ben voilà. Vous êtes la seule radio qui s'intéresse à ce qu'on fait. On est très fiers. Alors moi, je remercie Radio Gemozo, parce que quand ça va, je sais dire quand ça va, mais quand ça va pas, je trouve ça pas normal que d'autres radios locales que je connais très bien et qui me connaissent très bien pour avoir travaillé dans le temps avec eux, ne m'ont jamais téléphoné. Jamais. Bon. Voilà. Donc, je remercie Radio Gemozo. Ben, nous, on te remercie, toi, Christophe, déjà, pour tout ce que tu fais, tous tes bénévoles. Voilà, on embrasse ta femme, toute l'équipe. Et puis, surtout, on vous tire notre chapeau pour ces belles actions solidaires que vous faites. Et voilà, tout le réconfort que vous donnez à ces gens qui en ont vraiment besoin. Et puis, on s'y est informé, on se rappelle. Ouais. On se rappelle. Et on se rappelle, et que si j'ai un petit message à faire passer, j'ai donné le numéro du groupe solidaire, il faut surtout pas hésiter. D'accord. Il faut surtout pas hésiter, c'est pas une honte d'être dans la merde aujourd'hui, parce que la situation fait que on peut y tomber du jour au lendemain, on perd son boulot, on perd tout, avant de s'enterrer, appelez le groupe solidaire citoyen. Oui. Si on peut vous aider, on le fera. Il y a des choses qu'on peut pas faire, on peut pas. Mais si on peut vous aider, on vous aidera. Ah bah dis donc. Donc n'ayez pas peur, on est là pour ça. Pas de jugement, pas de tabou. Toute l'équipe qui est autour de moi et moi, on est là, et avec toute mon équipe, on est là pour ça. Que ça soit n'importe quoi, si on peut, on le fera. Si on peut pas, on le dira. Mais si on peut, on le fera. Eh ben d'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis si jamais on n'a pas l'occasion de se reparler, eh ben je souhaite des bonnes fêtes à tous, à toi. Oui, merci. Je te souhaite des bonnes fêtes. Et puis, si pareil, toi, t'as besoin, avec la radio ou perso, de quelque chose, n'hésite pas à nous téléphoner. Ça marche. Si tu connais du monde qui est dans la Moïse, n'hésite pas à pas nous téléphoner problème. Ou à nous informer. Ça marche, voilà. Ça sera fait. Et je vous souhaite tous des bonnes fêtes et prenez soin de vous et tout. Mais oui. Bonne fête à toi et à tous tes proches. Très très belle fête à toi, à ta famille et puis à tous tes proches aussi. D'ailleurs, des belles fêtes à tout le monde. Hein. Voilà, on vous redonnera le numéro, auditeur. Si jamais tu as envie de faire du bénévolat ou si jamais tu as besoin de quelque chose, eh bien voilà, on te redonnera ce numéro. En tout cas, vraiment, chapeau à Christophe et à toute son équipe. Je te passe mon dernier disque avant la fin, eh bien de cette émission. C'est Roots Manuva pour le titre Jeunes de Dots et on se retrouve juste après, auditeur. Escalades, I best behave to the rhythm of justice. Slaves elected, brave, my lecture made extra waves. Dogging your sound, closing you clowns just to cave. Address the rage, rush the stage just to blaze. purifying glamour and gore is just a phase. Cutting down the rainforest for cows just to graze. It's killing the populace when you clone test two days. Text to change cause the fantasies they try to feed us. Under the bridge drumming for Flea and Anthony Kiedis. I ran from elitists who got the truth confused. It's the amphibian and the one who's refused. Yeah. Mystic mindset, travel at walk eight. Flashback to my very first taste, the hash cake. Oh lord, I feel so sensible. And every now and then I get a great sense of wow. Synchronization of the hip, gyration of the old time. New brand, back to black, man a man, oh man a oh man, boy a boy, girl a girl. Stepping out of place with the light of the pearl of laughter. Wheat grass rushing through my veins. Skip over the rocky terrain and maintain like a weed whore. Checking that hydroponic bar. Earth child, come see me rolling in the mud. He Virgo, ever so civilized. While out of road, not played out to catch wise. Don't wanna get mixed up in they mix up. Wanna just fix up. Mind, soul, and mental plane. Join the guts, pluck, plot in the pluck. Knock, knock in the knock. The which, the where, the what. Do no maneuver, get hit in the gut. Stew chicken in the dust, pot running it up. Join the guts, pluck, plot in the pluck. Knock, knock in the knock. The which, the where, the what. Do no maneuver, get hit in the gut. Stew chicken in the dust, pot running it up. Some of these fellas be overzealous. We had them marks jealous and dark sellers. Blowing like Bradford Marcellus. We park dwellers, rhythm rebellers. We spark letters, we art sellers. Bleed in the water, the sharks fellas. Be quick with your camcorder. In no particular player order, we go hit like vehicular manslaughter. Sing. In ding, ring a fling, I'm bringing it on. Refuse to get lost in the quest for one. Although we transatlantic, we never pedantic. Check my antic, we most romantic. We plan shit, new for self, guanoline. We're tilling the soil, man, we're tilling the sea. Join the ducks, pluck, pluck in the pluck. Knock, knock in the knock, the witch, the where, the what. Do no maneuver, get hit in the cup. Stew chicken in the dust, pot running it up. Join the ducks, pluck, pluck in the pluck. Knock, knock in the knock, the witch, the where, the what. Do no maneuver, get hit in the cup. Stew chicken in the dust, pot running it up. No, sir, Mr. Tuna, I can't burn your blunt. What? I remember the last time and how I got time. Yeah. Ran slow while my clan broke cancel. Let the man know my pen brush strokes like Van Gogh. I disappear like it's missing air when I'm switching gear. Shining like your kitchenware. Rhymes rich and rare. Get your picture clear. Tune of the stealth reporter. I melt your order like sugar and seltzer water. Whoever felt the horror was loading they chance bag. Surround your sound like a spandex. Pass legs spread like an advanced leg. Words never dance bag. Shout to F and F at bass, my man Craig. Join the ducks, bluff, bluff in the bluff. Knock, knock in the knock. The witch, the where, the what. Why? Do no maneuver, get in the cup. Stew chicken in the dust, pot running it up. Join the cup, cluck, cluck in the pluck. Knock, knock in the knock, the witch, the where, the what. Do no maneuver, get in the cup. Stew chicken in the dust, pot running it up. J'espère que tu passes un bon moment, auditeur. C'est bientôt la fin de cette émission. Je suis tellement contente d'avoir pu vraiment faire partager toute cette solidarité de ces gens qui font des choses bien. On leur tire encore vraiment notre chapeau à ces deux-là. Christophe du groupe Citoyens et Solidaires de Remiremont, mais bientôt de Saint-Étienne les Remiremont, et Alban et son projet solidaire. Je m'accroche à toi. Toutes les infos que vous avez entendues sur ces deux acteurs locaux, si je puis dire ainsi, je vais y arriver. Eh bien, vous les retrouverez avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Alors, c'est le moment de te dire au revoir. Mais avant ça, je te file quelques infos de dernière minute. Le domaine nordique de la Bresse sera ouvert à partir de demain au départ de l'ISPAC de 9h à 16h pour la pratique du ski de fond. Tu peux retrouver des infos sur tourisme@labresse.fr. Et la station de Gérardmer également ouvre ce week-end avec un grand nombre d'animaux. Animation pour petits et grands. Toutes les infos, eh bien, c'est pareil, www.gérardmer-ski.com. Gérardmer Animation s'associe également à l'événement en partenariat avec l'ASG Canoë Kayak. Tu pourras retrouver des calendriers 2021. Vos commerçants et artisans se dévoilent. Ça peut être sympa de voir ces artisans et commerçants sous un autre angle. À gagner tout le week-end, donc ces bons d'achat et ces calendriers. Il y aura aussi une démonstration de kayak sur neige dimanche qui arrive là à partir de 14h sur le front de neige, avec la présence quand même des kayakistes jérômois multi-médaillés, notamment Louis Lapointe, champion du monde, s'il vous plaît, Charlène Le Corvezier, vice-championne du monde. Voilà, vous pourrez retrouver toutes ces infos sur le site de gérardmer-ski.com. N'hésite pas, si tu veux passer un bon week-end, les choses reprennent un petit peu. Bon, c'est sûr qu'il faut que tu habites dans le coin, parce que tu peux pas te déplacer à plus de 20 km, paraîtrait-il. Une dernière info avant de se quitter, le mouvement de la paix au niveau national a pris position pour le retrait de la loi sécurité globale dans un communiqué du 27 novembre. La Fédération des Vosges du PCF appelle un rassemblement demain à 15h devant la préfecture d'Épinal pour défendre les libertés publiques et pour le retrait de cette loi. Voilà, c'était les petites infos de dernière minute. Je te souhaite une très belle journée, auditeur, et surtout, eh bien, je te dis à lundi prochain en direct à midi sur le 107 ou depuis Radio Line ou Orange Radio, appli gratuite où tu pourras nous écouter depuis ton smartphone. Avec moi, Damien alias Big V nous parlera d'une compile qui sort bientôt avec le label MC Connexion. Ça va être bien cool, ça. Et puis encore une fois, un gros bisou à nos intervenants d'aujourd'hui. Je te souhaite un très beau week-end. Prends bien soin de toi et des autres. Allez, kiss.